zomi vini ton Vini moun zande sak mal pase la Rassemble pou nou koute Rassemble, rassemble, rassemble Pou nou koute sak mal rive Rekomanse la Me zomi vini tande Vini tande Vini moun zande sak mal pase la Rassemble pou nou koute Les anti Débarqué, tout le monde sensibilisé, yo la pou yo voye monte. C'est une génération qui toujours porte attention, pour t'en dédier sa frappe. On nous allez, marchez ou pas? Bougez-vous, calé con. Pendant des prix, va y se frapper.